Je fais que de te remplacer, comme si la bête n'était pas blessée. Je fais que de te remplacer, je fais que de te remplacer. Je fais que de te remplacer, comme si mon cœur n'était pas fêlé. Je fais que de te remplacer, je fais que de te remplacer. À peine un je t'aime, et mon cœur n'a pas résisté. Mets de côté tes problèmes, allez viens on fait comme si c'était vrai. J'y ai pas cru comme caméra cachée, sans aucune corde on s'est attaché. Je connaissais pas ton lourd passé, y'aura plus personne quand tu vas repasser. Je fais que de te remplacer, comme si la bête n'était pas blessée. Je fais que de te remplacer, je fais que de te remplacer. Je fais que de te remplacer, comme si mon cœur n'était pas fêlé. Je fais que de te remplacer, je fais que de te remplacer. Oui, ma chérie veut pétrodollars. Esquivera pas tous ces gros connards. Elle fera semblant de croire à notre histoire. Je ferai semblant de croire à tous ces bobards. C'est comme si on s'empêchait la belle vie. Je veux remplir mon cœur et pas ton Fendi. J'aime trop ton bas du dos. Tac là la jugore comme Gattuso. Chérie veut pétrodollars. Les racli vont se mettre au chômage. Veulent des milliards, des milliards, des milliards, des milliards de dollars de pétrodollars. Et chérie veut pétrodollars. Les raclis vont se mettre au chômage. Veulent des milliards, des milliards, des milliards, des milliards de dollars de pétrodollars. Et je fais que de te remplacer, comme si la bête n'était pas blessée. Je fais que de te remplacer, je fais que de te remplacer. Je fais que de te remplacer, comme si mon cœur n'était pas fêlé. Je fais que de te remplacer, je fais que de te remplacer.